Derrière chez moi, y a un étang. Le vieux voyait bien que la vieille voyait rien. Derrière chez moi, y a un étang. Le vieux y voyait bien que la vieille voyait rien. Trois beaux canards s'y vont baignant. Le vieux voyait bien que la vieille y voyait rien. La vieille avait vu que le vieux n'y voyait plus. Le vieux y voyait bien que la vieille y voyait rien. La vieille avait vu que le vieux n'y voyait plus. Le fils du roi s'en va chassant. Le vieux voyait bien que la vieille y voyait rien. Le fils du roi s'en va chassant. Le vieux y voyait bien que la vieille y voyait rien. Baisa le naïf, baisa le bien. Le vieux voyait bien que la vieille y voyait rien. La vieille avait vu que le vieux n'y voyait plus. Le vieux y voyait bien que la vieille y voyait rien. La vieille avait vu que le vieux n'y voyait plus. Au fils du roi, tu es méchant. Le vieux voyait bien que la vieille y voyait rien. Au fils du roi, tu es méchant. Le vieux y voyait bien que la vieille y voyait rien. Tu as tué mon canard méchant. Le vieux voyait bien que la vieille y voyait rien. La vieille avait vu que le vieux n'y voyait plus. Le vieux y voyait bien que la vieille y voyait rien. La vieille avait vu que le vieux n'y voyait plus. Par-dessous l'aile il perd le sang. Le vieux voyait bien que la vieille y voyait rien. Par-dessous l'aile il perd le sang. Le vieux y voyait bien que la vieille y voyait rien. Et par le bec l'or et l'argent. Le vieux voyait bien que la vieille y voyait rien. La vieille avait vu que le vieux n'y voyait plus. Le vieux y voyait bien que la vieille y voyait rien. La vieille avait vu que le vieux n'y voyait plus. La mode en est devenue nouvelle. C'est au poignet qu'on met la dentelle. La mode en est devenue nouvelle. C'est au poignet qu'on met la dentelle. Que ferons-nous de tant d'argent? Vive la dentelle à balais rubans. Que ferons-nous de tant d'argent? Vive la dentelle à balais rubans. La mode en est devenue nouvelle. C'est au poignet qu'on met la dentelle. La mode en est devenue nouvelle. C'est au poignet qu'on met la dentelle. Nous la donnerons aux pauvres gens. Vive la dentelle à balais rubans. Nous le donnerons aux pauvres gens. Vive la dentelle à balais rubans. Au poignet qu'on met la dentelle. La mode en est devenue nouvelle. C'est au poignet qu'on met la dentelle. Derrière chez moi y a un étang. Vive la dentelle à balais rubans. Derrière chez moi y a un étang. Vive la dentelle à balais rubans.